إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم donc on parle aujourd'hui donc à la suite du livre de l'explication de Cheikh Bazmoul تدبر القرآن وأثره في تزكية النفوس on continue donc dans ce sujet la réflexion sur le Coran et son effet sur la purification de l'âme. Et on a expliqué au dernier cours qu'est-ce que signifie la purification. Et on a expliqué donc les exemples de ça et qu'est-ce que ça signifie. Aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect qui a rapport avec la purification et c'est de savoir les comparaisons entre la méthodologie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a et la méthodologie des gens de Bid'a parmi les Soufis et la différence entre la méthodologie des gens de la Sunnah dans la purification de l'âme par rapport à la méthodologie des gens de la Bid'a parmi les Soufis at-tasawuf. Et donc il faut comprendre qu'il y a une grande distinction dans l'islam. Comment on doit purifier son âme par opposition à comment les gens de Bid'a se purifient ou prétendent se purifier leur âme dans leur voie d'égarement et dans leur voie d'innovation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tout enseigné sur qu'est-ce qui a rapport avec la purification de l'âme. Il nous a enseigné tout ce qu'on a besoin de connaître pour purifier notre âme. Il a enseigné à tous les sahaba, il a enseigné à tous les mu'minin, et ça a été transmis jusqu'à nous dans le Coran et dans la Sunna. Il n'y a rien à ajouter à ça, il n'y a rien à en enlever. Mais il y a des gens qui n'ont pas été satisfaits par ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son messager comme moyen pour la purification de l'âme. Et donc ils sont allés suivre les voies du shaitan pour essayer de trouver d'autres moyens pour se purifier. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés dans l'égarement. Et donc on va commencer par expliquer quels sont les moyens et quelle est la méthodologie par laquelle les gens de la sunna, ceux qui suivent la compréhension des salaf al-salih, les pieux prédécesseurs, comment ils purifient leur âme. Et donc, on a une explication d'un cheikh qui dit « Muqarana bayna ahli sunnati wa sufiyya fi manhaji at-tazkiyah » Donc, la comparaison entre les gens de la sunna et les soufis dans la méthodologie de la purification. « Wa innama qasadna soufiyya bayna firaqid dalala li annahum yaz'umuna annahum ashabu l'ahwali wal maqamati wal nufus al-zakiyat » وأنهم أصحاب منهج أو مناهج في تصفية النفوس وتقنيتها وهذه المقارنة يظهر فيها بجلاء ونقاء المنهج السلفي وكيف أنه ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خالفه إنما هو ابتداع وبعد عن الكتاب والسنة. Le Cheikh explique que la raison pour laquelle on a spécifié les soufis parmi les différentes sectes d'égarement au sujet de la purification, c'est parce que ce sont eux en particulier qui prétendent être ceux qui détiennent les moyens, les statuts, les stations des âmes pour se purifier. Et ils prétendent qu'ils sont ceux qui détiennent la vraie voie, la vraie méthodologie pour arriver à la purification de l'âme. Et c'est pour cette raison-là qu'on la compare avec la méthodologie qui est enseignée par nos pieux prédécesseurs, les Sahaba et ceux qui les ont suivis. Et on va voir également de ce qu'on a de ça, qu'est-ce qui a été rapporté de ce sujet dans l'héritage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour clarifier que tout ce qui vient en contradiction avec ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné est en réalité une forme d'innovation qui est éloignée et qui contredit le livre et la sunna. Donc, premièrement, manhaj al-tazkiyati 'inda al-salafiyyin ahl al-sunnah wal-jama'ah. Quelle est la méthodologie de la purification pour les salafiyyin, les gens d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah? Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah hum ahl al-Athar wa ahl al-Hadith wa hum kathalika ahl al-Ittiba' fa hum yuzakkuna anfusahum bima zakka bihi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nufus al-Sahaba al-Kiram radiyallahu anhum fala yabtadi'una turqan lil-Tazkiyah ولا يتهجون من المناهج ما يخالف نهج النبوة وهم يضبطون بالعلم اعتقاداتهم أو اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم ونخلص مناهج التزكية عند السلفيين في أمور ثلاثة. Donc, il explique, le cheikh, il dit que les gens de la sunna sont les gens de la narration, les gens du hadith, et ce sont également les gens du suivi, c'est-à-dire ceux qui suivent la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce sont les gens du suivi, comme on a dit, et ils se purifient leur âme parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné et par ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a purifié les âmes des compagnons radiyallahu anhum. Et donc les gens de la sunna, ils n'innovent pas de nouvelles voies et de nouveaux moyens, de nouvelles façons de se purifier l'âme. Plutôt, ils prennent et ils empruntent le chemin et la voie de la prophétie, la voie qui a été enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se limitent dans ces questions-là à la science, la science de leur croyance, la croyance des salafs, la science des paroles et des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut résumer la méthodologie de la purification chez les gens qui suivent la voie des salafs en trois choses. Premièrement, التزكيه بالعقيده الصحيحه وعقيده التوحيد. ولا يكفي ذلك حتى تتبع قلوبهم تتعبد قلوبهم لله وتمتلئ بانوار اسمائه وصفاته وربوبيته والهيته. Et donc, premièrement, la purification de l'âme par la croyance authentique et la foi et la certitude en l'unicité d'Allah, l'unicité d'Allah dans ses noms, l'unicité d'Allah dans ses attributs, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté et dans sa seigneurie, également dans l'unicité d'Allah dans son adoration. Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de s'écarter du shirk et de tout ce qui est contraire au tawhid. De même que, deuxièmement, at-tazkiyatu bi ada'i al-wajibati wa tarki al-muharramat. Tu purifies ton âme également selon la voie de, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle de ses compagnons, en établissant les obligations de la religion d'Allah qui sont ordonnées par Allah dans le Coran et par également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, et en délaissant les interdictions, c'est-à-dire en délaissant tout ce qui nous a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Ça, c'est le deuxième aspect de la purification dans la voie de la sunna. Et troisièmement, at-tazkiyatu bin-nawafil. Une fois que tu as établi ce qui est obligatoire et tu t'es écarté de ce qui est interdit, il y a bien entendu aussi le fait de s'écarter des innovations, hein, et de s'abstenir de tout ce qui est innové et contraire à la sunna. Il y a la purification par la suite par les choses surérogatoires, an-nawafil, les choses qui ne sont pas une obligation mais qui sont des actes supplémentaires qu'on peut faire pour se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, premièrement, on peut dire, comme ça a été expliqué ici, at-tazkiyatu bit-tawhid, le fait de purifier l'âme par l'unicité d'Allah et d'établir le tawhid. Il dit wala shakka anna awjab anwa' at-tazkiyatu bit-tawhid. Qala Allah ta'ala innama al-mushrikuna najas wa hadhihi an-najasatu laysat najasatan 'ayniyah bihaythu anna al-muslim idha massa kafiran يغسل يده فقد أبيح للمسلم أن يتزوج بالكتابية ولا يسلم من عرقها والواجب عليه من الطهارة كما هو الواجب على من تزوج بالمسلمة فهذه نجسة معنوية قلوبهم نجسة لأنها لا تعرف الله عز وجل معرفة صحيحة ولا تعبده وحده لا شريك له عبادة صحيحة. Donc, premièrement, il faut savoir que la plus importante, il n'y a pas de doute que la plus importante des différentes formes de purification de l'âme, c'est la purification de l'âme par l'unicité d'Allah et le fait de d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans notre croyance, en adorant que Allah seul et en rejetant tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et la preuve de ça est dans le verset 28 dans sourate At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit innamal mushrikuna najasun, c'est-à-dire que les associateurs, les gens qui font le shirk, ne sont qu'une impureté. Et le shirk explique ici que l'impureté des mushrikun, l'impureté de ceux qui font le shirk, ce n'est pas une impureté physique palpable, touchable, parce que le musulman, s'il touche un non-musulman, un kafir, il n'a pas besoin de se laver la main après, parce que son impureté n'est pas physique, n'est pas palpable, n'est pas quelque chose de concret. C'est une impureté abstraite. Et la preuve de ça, c'est que le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission d'épouser une chrétienne. Et donc, c'est sûr que s'il est marié avec une chrétienne, il va devoir la toucher. Il va avoir des contacts avec elle. Et il n'y a rien dans l'islam qui ordonne aux musulmans qui est marié avec une chrétienne ou une juive de se purifier d'une manière différente que ce qui est obligatoire pour le musulman qui est marié avec une musulmane de se purifier. Et donc ça, c'est la preuve que son impureté, l'impureté de celui qui n'est pas musulman, est une impureté abstraite, une impureté qui est dans le cœur. Et la raison de ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, et donc leur cœur est impur parce qu'ils n'ont pas une connaissance correcte à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne l'adorent pas lui seul sans partenaire, et donc leur adoration n'est pas une adoration authentique et correcte. Il dit ensuite wa najasatu shirk mulamasa mulazimatun لا تطهرها المصائب المكفرة ولا الحسنات الماحية بعكس تدنس المسلم بشيء من نجاسات المعاصي التي هي دون الشرك فإنما تطهرها المصائب المكفرة والحسنات الماحية ودعاء المؤمنين واستغفار الملائكة وغير ذلك من مكفرات الذنوب والخطايا. ولذا كان أول الواجبات أن يطهر العبد نفسه من أنجاس الشرك ويزكيها بالتوحيد. Donc le cheikh il explique que l'impureté du shirk, c'est une impureté qui est pas permanente, mais qui reste sur toi et qui ne peut pas être retirée par de l'eau. C'est-à-dire que le kafir ou le mushrik, même s'il se lave 100 000 fois par jour, son impureté du cœur ne s'enlèvera jamais. De même que s'il a des malheurs qui le touchent, qui sont pour les croyants une expiation de leurs péchés, ou bien des bonnes œuvres qu'ils font, qui effacent les mauvaises œuvres qu'ils ont faites, bien pour le kafir ce n'est pas le cas. Celui qui commet le shirk ou qui pratique le shirk, ses malheurs n'effacent pas ses péchés, de même que les bonnes œuvres qu'il fait. Contrairement aux musulmans, lorsqu'ils commettent certaines impuretés parmi les péchés, qui sont moindres que le shirk, eh bien, ces péchés-là peuvent être purifiés par les malheurs qui touchent le musulman, ou par des bonnes œuvres qu'il fait, ou bien par l'invocation des croyants pour lui, ou bien par l'invocation et la demande de pardon des anges en sa faveur, ainsi que d'autres moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala peut effacer les péchés et les fautes. Et c'est pour cette raison que la première des obligations pour le serviteur d'Allah, c'est de purifier son âme contre de toute forme d'impureté du shirk, des impuretés du shirk, et de purifier son âme par le tawhid, avant toute chose, par l'unicité d'Allah. كما قال ابن عباس في قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقال الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وكذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون وهل لك إلى أن تزكى أي تتطهر من هذا الشرك بالتوحيد فأصل التزكية بالتوحيد بل لا تزكو النفس بسائر أنواع العبادات حتى تزكو بالتوحيد أولا. Et donc, comme Abdullah ibn Abbas l'a expliqué en parlant du verset 6 dans sourate Fussilat 6 et 7, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et malheur aux mushrikins, malheur aux gens qui font le shirk et qui adorent autre que Allah, ceux qui ne donnent pas la zakat. Ceux qui ne donnent pas la zakat, et le mot zakat, on l'a expliqué au dernier cours, ça signifie la purification. La zakat, c'est la purification. Mais ici, le fait de donner la zakat, c'est pas de donner l'argent, hein, le droit de l'argent, le droit d'Allah qu'il a sur l'argent. Non, la zakat dont il est question dans le verset ici, c'est en réalité le fait de témoigner de la ilaha illallah. Et c'est ce que Abdullah ibn Abbas a expliqué. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاتِ. Et malheur aux mushrikins, ceux qui ne donnent pas la zakat, c'est-à-dire ceux qui ne disent pas la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Pourquoi? Parce que la zakat en question, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah ici. Pourquoi? Parce que Allah dit: et malheur aux mushrikins, aux idolâtres, aux gens qui font le shirk. Et si un mushrik donne la zakat, c'est-à-dire donne de l'argent à un pauvre, ça ne va pas le purifier. Ça ne va pas le faire sortir du shirk. La seule chose qui va le faire sortir du shirk, c'est de rentrer dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah. Et la manière de rentrer dans le tawhid, c'est en témoignant de l'unicité d'Allah, en disant la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika qawlu Musa, de même que Musa alayhi salam, lorsqu'il a appelé Pharaon, il lui a dit: وَهَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّ. Voudrais-tu que je te montre, que je t'indique comment te purifier? C'est le verset 18 dans surat al-Nazi'at. Et il n'y a rien qui peut purifier du shirk excepté le tawhid. Donc c'est la base de la purification. Donc la purification commence par le tawhid. Et l'âme ne peut être purifiée que par le tawhid. Donc si quelqu'un fait par exemple toutes les actes d'adoration qui existent au monde sans commencer par le tawhid, eh bien la personne ne sera jamais purifiée, même si elle fait toutes les œuvres, toutes les bonnes œuvres et tous les actes d'adoration possibles. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ce fondement et à ce principe la priorité dans sa da'wah. حتى تزكو بالتوحيد أولا ومن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل لما أرسل معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث. Et donc, le prophète صلى الله عليه وسلم, pour montrer l'importance qu'il a donné à ce fondement, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il a dit, tu t'en vas vers des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-les que Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu obligatoire 5 prières durant le jour et la nuit. Wa aydan fa inna az-zakata hiya at-tathhir. Wa hal hunaka najasatun ashadd min ash-shirk? قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Et donc également il faut savoir aussi que la zakat signifie la purification et il n'y a pas d'impureté plus dure et plus sévère que le shirk, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 48 dans sourate An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché moindre que le shirk. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui et qu'on commette le shirk, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et il dit également dans le verset 13 dans sourate Luqman, certes le shirk est la plus grande des injustices. Il n'y a pas d'injustice plus grande que le shirk, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et il mentionne également dans le verset 116 dans sourate An-Nisa, et quiconque associe avec Allah subhanahu wa ta'ala et fait le shirk avec Allah, il s'est certes égaré d'un égarement lointain. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو إلى التوحيد وكان القرآن المكي دعوة للتوحيد وبيان ما أعده الله عز وجل لأهل التوحيد وكذلك ما أعده للمعرضين عن توحيده وكيف نصر الله عز وجل أولياءه الموحدين وأهلك الكافرين المعاندين حتى استنارت قلوب الصحابة بأنوار التوحيد وظهر هذا النور على جوارحهم فأثمر فعل الطاعات وترك المعاصي كما قيل في قول الله عز وجل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها الأعمال الصالحة في السماء صاعدا إلى الله عز وجل ونقصد بالتوحيد الذي تزكو به النفوس التوحيد الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Et donc le cheikh il explique que quiconque donc fait le shirk avec Allah, comme Allah il le dit dans le verset, il s'est égaré d'un égarement lointain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 ans à inviter les hommes au tawhid à Mecca. Et le Coran qui est révélé à Mecca, c'est un appel au tawhid. Et dans les versets qui sont révélés à Mecca, il y a l'explication et la clarification de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les gens du tawhid. Et il y a également la clarification de ce qu'il a préparé pour ceux qui se détournent du tawhid, et comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à ses serviteurs pieux et rapprochés parmi ceux qui ont établi le tawhid d'Allah, et comment il a fait périr les mécréants et les opposants et ceux qui s'obstinent à rejeter l'unicité d'Allah jusqu'à ce que leur cœur soit illuminé et que le cœur des sahaba soit éclairé par les lumières du tawhid. Et on a vu cette lumière et son effet apparaître sur leur corps par les fruits qu'ils ont faits dans les bonnes œuvres qu'ils ont qu'ils ont mis en application et les péchés qu'ils ont abandonnés. De même que, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, Surat Ibrahim, le verset 24 et 25, il dit « Et Allah a donné comme parabole l'exemple d'une bonne parole qui est comme un bon arbre dont le tronc est ferme, hein, est ferme et dont les branches sont élevées dans le ciel et qui donne de ses fruits à tout moment par la permission de son Seigneur. Et donc la bonne parole dont il est question ici dans ce verset à laquelle Allah a comparé l'arbre, c'est la parole de la ilaha illallah, dont la base est fermement ancrée et enracinée dans le cœur du croyant, et dont les branches s'élèvent haut dans le ciel, et qui sont en réalité les bonnes œuvres, qui s'élèvent vers Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux. Et on parle du tawhid ici, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, qui purifie les âmes par l'unicité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit que la foi c'est de croire en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers et de croire au jour dernier et de croire en la prédestination de ce que Allah a prédestiné pour nous de bien ou de mal, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit que la foi, l'iman ou billahi ruknu tawhid الأعظم ويشمل الإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته وإفراده عز وجل بجميع ألوان العبادة تصديقا لقولنا لا إله إلا الله وقد فصلنا أصول الاعتقاد في بحث أخرى بما أغنى من إعادته في هذا البحث. Et donc on voit que le premier pilier dans les piliers de la foi c'est quoi? C'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le pilier du tawhid. Quand tu vois la foi en Allah, ça signifie en réalité la foi en le tawhid et en l'unicité d'Allah, puisque c'est le plus grand pilier de l'islam dans la foi et le plus important des éléments de la foi. C'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en sa souveraineté, en ses noms, en ses attributs, et en le fait que c'est lui seul qui mérite toutes les différentes formes de notre adoration. Et ça, c'est exprimé par notre parole lorsqu'on dit « Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. La ilaha illallah. » Et ça, ça fait partie des fondements de notre croyance. Quand tu regardes dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le premier pilier de la foi, c'est l'imanu billah. L'imanu billah, c'est le tawhid d'Allah, qui comprend les trois catégories de tawhid. De croire en sa rububiyya, de croire en ses noms et en ses attributs, et de croire en al-uluhiyya, son unicité dans l'adoration, dans la seigneurie, et dans ses noms et dans ses attributs. Et donc, tout ça c'est très important de comprendre, parce que c'est la base de at-tazkiyah, la base de la purification. وَلَا يَكْفِي تَوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنْ نُثْبِتَ لِلَّهِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ وَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ إِثْبَاتًا بِلَا تَشْبِيهِ وَتَنْزِيهًا بِلَا تَعْطِيلٍ بَلْ يَنْبَغِي أن تتعبد قلوبنا بصفات الربوبية وأسمائه وصفاته والتحقيق بتوحيد المعرفة وهو السبيل كذلك لتمام العبودية وكمالها لله عز وجل. Et donc il dit le cheikh que c'est pas suffisant juste d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs et dans sa seigneurie, en affirmant à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé pour lui-même, et c'est que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé, d'une affirmation sans ressemblance avec la création et d'une purification de toutes les imperfections et de toutes les impuretés ou de toutes faiblesses, sans toutefois tomber dans la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut également comprendre qu'il faut mettre en application cette adoration de notre cœur envers Allah subhanahu wa ta'ala par ses attributs de seigneurie et par ses noms et ses attributs, dans le sens qu'on établit le tawhid de la connaissance en le mettant en application par notre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire on n'applique pas seulement le tawhid dans la connaissance et dans l'affirmation, mais on affirme également l'unicité d'Allah dans notre adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en unifiant notre adoration uniquement pour lui et en rejetant l'adoration de tout ce qui est adoré par les hommes yani autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est qu'est-ce qui a rapport avec yani l'unicité d'Allah et l'adoration d'Allah, qui est la première forme de purification des âmes, la première chose importante pour purifier nos âmes. Et si des gens ont des croyances de shirk ou des croyances de sihr ou des croyances en des choses qui sont en contradiction avec le tawhid, eh bien ils ne peuvent pas prétendre dans ce cas d'avoir purifié leur âme ou de faire des adorations qui purifient leur âme, puisque leur tawhid il est corrompu hein, par toutes sortes de fausses croyances. Des gens qui croient en des tombes, ou en des morts, ou en des saints qu'ils adorent en dehors d'Allah, et ça c'est du shirk. Des gens qui croient en l'horoscope, ou en les signes zodiaques, et qui vont regarder qu'est-ce que les médiums, ou qu'est-ce que les voyants, ou les gens qui disent la bonne aventure, qu'est-ce qu'ils prétendent de connaître de l'avenir, tout ça c'est du shirk avec Allah, subhanahu wa ta'ala. De même que ceux qui donnent... hein, leur confiance à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala en mettant leur confiance en des gris-gris ou en des amulettes ou en des talismans ou en des marabouts qui leur prescrit de porter ce genre d'objet qui ne peut rien ne faire pour leur profiter ni leur nuire, parce que toute la puissance appartient à Allah seul, et c'est en Allah seul qu'il faut que le croyant mette sa confiance et non pas en des objets pareils. Surtout que beaucoup de ces marabouts en profitent pour écrire toutes sortes de formes de shirk dans ces talismans et dans ces amulettes, hein, avec le nom des diables dedans, le nom des djinns qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et tu vois qu'ils citent des noms qui n'ont pas été mentionnés nulle part, ni dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils pensent qu'ils ont la connaissance de noms secrets des anges ou des choses de ce genre, alors qu'en réalité, ce sont des noms des djinns et des diables, et des shayatines, qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Et ils écrivent ça dans leur talisman, qui parfois est écrit avec des impuretés ou avec du sang. Et c'est en ça qu'ils mettent leur confiance. Alors ça, c'est une forme de shirk avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute. De même que ceux qui... également mettre leur confiance en toutes sortes d'autres choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des hommes, des êtres humains, des choses, des objets ou autres. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ça. Donc tout ça, c'est pour nous faire comprendre que si quelqu'un n'a pas établi le tawhid dans sa vie, dans sa croyance, dans ses pratiques religieuses, eh bien il n'a pas purifié son âme, même s'il prétend être quelqu'un qui se purifie son âme en faisant plein d'adorations, ça ne servira à rien tant qu'il n'a pas purifié son tawhid, sa foi en l'unicité d'Allah. Deuxièmement, at-tazkiyatu bi fi'lil wajibati wa tarkil muharramat. Eh bien, il y a une autre également parmi les moyens pour se purifier, comme on a dit, c'est de faire qu'est-ce que Allah a ordonné de faire et de s'écarter de ce qui est interdit. Donc de faire les obligations, des choses obligatoires dans l'islam, les choses qui sont des piliers dans l'islam, des choses qui sont ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala à chaque croyant, il faut les faire. Il faut s'écarter des choses interdites. Tandis que chez les gens de bid'a, ils croient qu'ils peuvent purifier leur âme par des innovations. Des choses qui n'ont pas été ordonnées et des choses qui n'ont pas été interdites. Des choses qui ont été interdites. Des choses qui n'ont pas été ordonnées et des choses qui ont été interdites. C'est-à-dire des innovations. Et eux, ils pensent que c'est par ces moyens qu'ils peuvent se rapprocher d'Allah. Ils pensent que c'est par ces moyens qu'ils peuvent purifier leur âme. Ils pensent que c'est par ces moyens qu'ils peuvent retirer les impuretés qui les a touchés, qui les ont touchés. Mais la réalité à ce sujet-là, c'est qu'au contraire, ces innovations ne font qu'augmenter les impuretés dans lesquelles ils sont et les éloigner encore plus de la purification de leur âme. Puisque dans l'islam, le principe de l'adoration est basé sur deux conditions fondamentales, et c'est la première d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et en adorant rien d'autre que lui, c'est-à-dire en établissant le tawhid et en s'écartant de tout ce qui est adoré en dehors de lui et en purifiant notre intention pour que notre intention soit sincère et pure uniquement pour lui et pour son visage. Et la deuxième condition pour que notre adoration soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que l'adoration qu'on fait doit être en accord avec ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la sunna authentique et dans la pratique qu'il nous a mentionné dans les hadiths authentiques. Et si qu'est-ce que quelqu'un pratique n'est pas dans le Coran ou dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, elle ne peut pas être une source de purification pour, pour son âme, et encore moins yani quelque chose qui le ramène ou le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que chez les chrétiens, il y a des actes d'adoration, et chez les juifs, il y a des actes d'adoration, hein, et chez les bouddhistes et les hindous, il y a des actes d'adoration, et ils pensent qu'ils se purifient. Tu vois les chrétiens, hein, qui font des prières, des jeûnes, toutes sortes de choses. Même à une certaine époque, il y a des chrétiens qui se flagellent, qui se frappaient avec des fouets eux-mêmes, hein, jusqu'à ce qu'ils saignent pour soi-disant purifier leur âme et fouetter leur chair, parce qu'ils pensent que la chair c'est synonyme de péché, hein, et que leur âme est emprisonnée dans cette chair, hein, qui est une prison, et ils pensent que c'est le moyen de se libérer de cette prison de chair, c'est en justement et en y faisant ce genre de choses. La même chose chez les juifs, qui se purifient de toutes sortes de façons, où ils essaient de se purifier par des bains, ou par de la purification avec de l'eau, ou par des actes d'adoration, hein, mais pourtant, hein, qui sont dans le shirk et dans toutes sortes de formes de kofr que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet dans le Coran, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à leur sujet dans la sunna. Ils ne peuvent pas se purifier sans purifier leur croyance avant tout. Et la même chose chez les bouddhistes et les hindous. Et tu vois les hindous en Inde en particulier, aller se laver dans de l'eau sale, hein, et aller se purifier dans de l'eau sale, et ils pensent que c'est une purification, alors qu'ils ne font que corrompre et salir et rendre leur âme encore plus impure par ces moyens-là, parce qu'ils adorent des idoles. Ils mangent, ils boivent les impuretés, ils mangent les impuretés, et ils se baignent dans l'impureté, et ils adorent les idoles, les vaches, les singes, les rats, et les statues, et tout ce qu'ils peuvent trouver comme chose à adorer, ils l'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les organes génitaux de leur divinité, ils les adorent comme des dieux, hein, et ils en font des divinités. Le yogi et le lingam, c'est les organes, les parties génitales de leur dieu, Naam, soit en forme de phallus ou bien en forme de organe génital de la femme, et il célèbre soi-disant ces divinités-là en les induisant de lait ou d'autres substances, et en célébrant, hein, des actes d'adoration pour ces divinités en dehors d'Allah. Donc comment des gens, ils ont perdu la raison à tel point qu'ils sont tombés bas dans ces exemples de shirk. Même que certains d'entre eux, nasallallahu al-afiyah, quand ils ont une fille vierge et qu'ils veulent l'offrir à une divinité parmi leurs divinités, ils l'enferment avec le moine ou le prêtre hindou dans le temple pour le donner en offrande à leur dieu, comme si la statue elle allait le faire. Non, c'est le prêtre qui se permet de faire la turpitude avec cette jeune vierge et de la violer de cette façon. Donc tout ça vient à cause des exemples du shirk et des croyances du shirk lorsque quelqu'un est mushrik, il n'y a pas de limite hein, à quel égarement il peut, dans quel égarement il peut tomber. Et on a vu dernièrement dans le journal une femme qui s'est mariée avec un chien, nasallallahu al-afiyah, en aide, et plein d'exemples comme ça. Et c'est ce qui arrive lorsque quelqu'un s'est éloigné du tawhid et qu'il est tombé dans le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, nasallallahu al-afiyah. Et donc on voit la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et la faveur qu'il nous a fait de nous avoir guidés à l'islam, de nous avoir guidés au tawhid et de nous avoir sauvés du shirk, des égarements de la hein, de l'association avec lui. Et donc le cheikh il explique, il dit wa hadhihi tazkiyatun wajibatun بعد التزكية بالتوحيد وأولى ما يتقرب به العبد إلى ربه بعد توحيد الله عز وجل أداء الفرائض واجتناب المحرمات والعمدة في ذلك حديث الولي في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Donc, il faut comprendre que la tazkiyah, la purification, on appelle en arabe tazkiyah. La purification, c'est une obligation. Et après avoir purifié notre âme par le tawhid, la chose la plus importante par laquelle on peut se rapprocher de notre Seigneur après avoir établi le tawhid, c'est le fait de faire les actes d'obéissance et qui sont obligatoires et de s'écarter des actes interdits et des choses interdites en islam. Et le pilier de la compréhension à ce sujet, c'est le hadith du wali. Le hadith du wali. Et le wali, on va l'expliquer par la suite, c'est celui qui est croyant et pieux parmi les musulmans. Celui qui est croyant et pieux parmi les musulmans. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et mon serviteur ne peut se rapprocher de moi. » C'est un hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce hadith, mon serviteur ne peut se rapprocher de moi ou ne se rapproche de moi par quelque chose qui est plus aimé de ma part que par ce que je lui ai rendu obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien par quoi tu pourras te rapprocher d'Allah qui est plus aimé d'Allah que ce qu'il a rendu obligatoire pour toi. Et donc, on voit ici, hein, premièrement, le tawhid. Ensuite, tu fais les actes obligatoires, tu t'écartes de ce qui est interdit. Ça, c'est ce que Allah aime le plus pour toi. C'est ce qu'il préfère. Donc, si tu ne fais pas ce qui est obligatoire, puis tu fais ce qui est recommandé, ça ne marche pas. Il y a des gens comme ça. Ils font ce qui est recommandé, mais ils ne font pas ce qui est obligatoire. Ça ne marche pas. Bon, exact. Ça, c'est un bon exemple. Ils font, par exemple, le jeûne du vendredi, le jeûne du jeudi et du lundi, mais ils ne font pas le ramadan. Ou bien ils vont faire le ramadan, mais ils ne font pas la salat obligatoire. Ou bien ils font le tarawih, mais ils ne font pas les salawat obligatoires. Ou des choses comme ça. Ça ne marche pas. La chose que Allah aime le plus pour que son serviteur se rapproche de lui, il n'y a rien qu'il aime plus que ce qu'il a rendu obligatoire. قال ابن حجر ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله. Donc on peut tirer que les actes obligatoires sont les actes les plus aimés par Allah. Il n'y a pas une action que Allah aime plus que les actes obligatoires. Donc il y a des gens qui pensent que yani, ils peuvent faire beaucoup d'adoration, mais ils laissent qu'est-ce qui est obligatoire. Ça marche pas. Tu dois commencer par ce qui est obligatoire. يعني وقال الشوكاني ووجه ذلك أن النكرة وقعت في سياق النفي Donc il explique les explications grammaticales pour comprendre le hadith et ainsi de suite. يقول الشوكاني قال الشوكاني واعلم أن من أعظم فرائض الله ترك معاصي التي هي حدوده التي هي حدوده التي من تعداها كان عليه من العقوبة ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. Il dit, sache que parmi la plus grande obligation que Allah subhanahu wa ta'ala a rendue obligatoire pour toi, c'est d'abandonner le péché. Et ces péchés-là, en réalité, c'est désobéissance, c'est les limites d'Allah. Et si tu dépasses cette limite, ça veut dire que tu es sous la menace du châtiment d'Allah, que Allah a mentionné dans son livre. Donc il y en a qui disent, bon, je fais ce qui est ordonné, mais il fait les péchés. Donc est-ce qu'il a fait ce que Allah a rendu obligatoire pour lui? Non, parce que de s'abstenir des interdictions et des péchés, c'est une obligation. C'est une obligation en soi. ولا خلاف أن الله افترض على العباد ترك كل معصية كائنة من كان ما كانت. Il n'y a pas de doute que Allah a interdit aux serviteurs tout péché. Et il a rendu obligatoire aux serviteurs d'abandonner tout péché, peu importe le péché. C'est une obligation de le délaisser et de cesser de le faire. فكان ترك المعاصي من هذه الحيثية داخلا تحت عموم قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه بل دخول فرائض الترك للمعاصي أولى من دخول فرائض الطاعات كما يدل عليه حديث وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فلا تقربوه أو فاجتنبوه. Donc ici l'imam al-Shawkani, il explique un point très intéressant. C'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith, mon serviteur ne va pas s'approcher de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai ordonné et rendu obligatoire, ça veut dire que le fait de délaisser les péchés, c'est une des plus grandes obligations qui rentre dans la signification de ce qui est obligatoire parmi les actes d'obéissance. Et il dit que même c'est plus important d'abandonner les péchés que de faire les actes d'obéissance, dans ce sens que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce que je vous ai ordonné de faire, faites-en ce que vous êtes capable, mais ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Donc c'est comme s'il disait, ce que je vous ai ordonné de faire, c'est beaucoup, mais ce que vous êtes capable de faire, faites-le. Parce qu'il y en a tellement de choses à faire qui sont obligatoires, peut-être qu'il y en a des choses que vous n'êtes pas capable de le faire ou c'est trop. Tandis que ce que je vous ai interdit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de trop ou de pas assez. Vous devez vous en abstenir de façon absolue, sans regarder si vous êtes capable ou non, dans le sens que, comme Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, je me rappelle quand il expliquait ce hadith à Médine, il disait, l'ordre de faire une action obligatoire, ça c'est lourd. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, yani, faites ce que vous en êtes capable. Mais l'obligation de s'abstenir ou de cesser de faire un péché, c'est pas la demande de faire quelque chose, mais de ne pas faire quelque chose. Et de ne pas faire quelque chose, c'est pas une difficulté ou quelque chose qui est lourd, puisqu'il n'y a rien de difficile dans le faire, dans le fait de cesser de faire quelque chose. Si je te dis, yani, par exemple, je ne sais pas, soulève cette table, amène-la là-bas, ça c'est dur. Mais si je te dis, lâche la table, est-ce que ça c'est dur de lâcher la table, de la mettre par terre? Tu la laisses, tu ne la soulèves pas. Au contraire, c'est facile. Donc, de délaisser les péchés, c'est plus facile que de faire les actes d'obligation d'un certain point de vue. Puis en même temps aussi, c'est que c'est quelque chose qui est, disons, ordonné de façon claire et sans qu'il y ait la mention du fait que on en fait ce qu'on peut. Il a pas dit, par exemple, abandonnez ce que vous pouvez des péchés et faites ce que vous pouvez des actes obligatoires. Non, Il a dit, faites ce que vous pouvez des actes obligatoires et cessez et abstenez-vous complètement de ce qui est interdit. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع ما عما حرم الله وحسن النية فيما عند الله والمقصود أن أهل السنة يزكون أنفسهم بعد التوحيد بتكميل الفرائض وفعل الواجبات وترك المحرمات فلا يفتحون على أنفسهم أبواب النوافل وهم بعد مقصورون أو يعني مقصورون في أداء الفرائض كما يذهب كثير من الناس إلى الحج والعمرة كل عام ويؤدون زكاة أموالهم أو يهتمون ببناء المساجد وينفقون في أبواب البر لا بنية الزكاة الواجبة في المصارف الثمانية التي حددها الله عز وجل ويصح هنا قول القائل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. Donc c'est ça le point, hein? C'est que les gens de la sunna, ils se purifient après le tawhid par le fait de mettre en application les actes obligatoires, de faire ce qui est obligatoire et d'abandonner ce qui est interdit, et ils ne vont pas se permettre de faire des actes surérogatoires alors qu'ils n'ont pas encore accompli les actes d'obéissance obligatoires. Comme beaucoup d'entre les gens, par exemple, il y a des gens, chaque année, ils vont faire le hajj et la umrah. Chaque année. Et ils ne donnent pas la zakat. Ils ne donnent pas la zakat de leurs biens. Donc, tu vas faire le hajj et la umrah avec de l'argent. Cet argent-là, tu es supposé te donner la zakat aussi dessus. Au lieu de donner la zakat, tu vas faire le hajj et la umrah chaque année. Est-ce que c'est obligatoire de faire le hajj et la umrah chaque année? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de le faire une fois dans la vie. Donc, si tu le fais de façon supplémentaire, c'est des surérogatoires. Et dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire. Et il n'y a rien qui est plus aimé d'Allah que de faire en commençant par qu'est-ce qui est obligatoire. Ou bien il y a des gens, ils ne donnent pas la zakat de leurs biens, mais ils font construire des mosquées et ils donnent leur argent dans toutes sortes de bonnes choses. Mais ils n'ont pas donné la zakat obligatoire. Et la zakat obligatoire, c'est qu'il faut la donner à une des 8 catégories qui est mentionnée dans le verset dans Sourate Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil. Donc, les 8, c'est qui? C'est les pauvres, les indigents, et après, yani, ceux qui travaillent pour la récolter, ceux qui ont le cœur proche de l'islam, et on veut les attirer, on veut les rapprocher à la religion, ou faire récab, c'est-à-dire les esclaves, qui veulent se libérer eux-mêmes, donc on peut les aider par la zakat, ou al-gharimin, ceux qui sont lourdement endettés, ou fi sabilillah, ceux qui sont dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ibn as-sabil, c'est les voyageurs qui ont besoin d'argent pour continuer leur voyage, pour rentrer chez eux, ou des choses de ce genre. Donc si tu ne donnes pas ta zakat obligatoire à une de ces 8 catégories-là, eh bien, dans ce cas-là, yani, comment tu peux te permettre par la suite de faire des hajj, des umrah chaque année, ou de construire des mosquées, ou d'ouvrir des écoles, ou donner de l'argent pour d'autres choses? Donc ça veut dire que tu donnes dans des choses surérogatoires, mais tu délaisses qu'est-ce qui est obligatoire. Et comme certains ont dit, et c'est une parole qui est remplie de bon sens, celui qui a été distrait ou occupé par l'obligatoire, hein, son obligation l'a distrait de faire ce qui est surérogatoire, il est excusé. Mais celui qui a été distrait de faire ce qui est obligatoire par ce qui est surérogatoire, celui-là, il a été trompé. Il a été trompé. Hein, il est maghrour. Le diable l'a trompé. Wallahu Azza wa Jal, hein, comme celui qui prie toute la nuit, des prières de nocturne, des prières de la nuit, toute la nuit, fait le tarawih. Puis quand arrive le temps de Fajr, il dort. il va se coucher, il ne prie pas la prière obligatoire. C'est terrible. Donc, comment tu vas passer ta nuit hein, à prier, puis arriver la prière obligatoire, tu dors. C'est ça l'ironie. Hein, l'ironie de la situation de cette personne. Donc ça, c'est pas correct. Il dit, Wallahu Azza wa Jal, la yaqbalu nafl hatta tuaddi al-farida. Hein? Donc Allah ne va pas accepter ta prière surérogatoire si tu n'as pas fait l'obligatoire. Donc commence par l'obligatoire. Fa'ahlu sunnati yuzakkuna anfusahum bil mashru'. Donc les gens de la sunna, ils se purifient eux-mêmes par ce qui est légiféré. Pas par les bid'ah, pas par les innovations, les choses que les mubtadi'ah inventent. Hein? Puis tu les vois faire leur danse et leur chant, les soufis dans les mosquées. Ils font leur dhikr. Hein? A'udhubillah, quand vient l'heure de la prière, combien de gens ils ont mentionné cet exemple? Ils font leur dhikr pendant des heures, ils dansent, ils chantent, ils sautent. Quand arrive l'heure de la salat, tu vois le cheikh, il reste assis, il ne prie pas. Ils ont dit, mais cheikh, pourquoi tu ne pries pas? Il dit, non, moi j'ai prié à Makkah déjà. Hein? Ou bien c'est la Kaaba qui est venue me visiter, puis elle est partie, j'ai pas besoin de prier maintenant. Nasallallahu ala afiyah. Hein? Il a atteint l'yaqin. Il pense qu'il a atteint l'yaqin, il n'a plus besoin de prier. A'udhu billah. Donc ça, c'est l'égarement total. Pourtant, c'est des choses qui existent dans les textes des soufis et dans leurs pratiques et dans les exemples chez ceux qu'ils considèrent être les awliya, ceux qu'ils considèrent être des saints, des exemples de ce genre. Nasallallahu al-afiyah. Naam. Ensuite, il y a la purification. Une fois que quelqu'un a fait ce qui est obligatoire, il se purifie par les actes surérogatoires par la suite. Hein? Et donc, il explique, le cheikh, il dit, التزكيه بالنوافل. النوافل هي ما عدا الفرائض من جميع اجناس الطاعات وكل ما ندب الله سبحانه اليه ورغب فيه من غير حتم وافتراض. وتختلف النوافل باختلاف ثوابها. فما كان ثوابه أكثر كان فعله أفضل وتختلف كذلك باختلاف ما ورد في الترغيب فيها فبعضها قد يقع الترغيب فيه ترغيبا مؤكدا وقد يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترغيب للناس في فعله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Donc le cheikh il explique que les nawafil, c'est tout ce qui est en dehors des obligations. Parmi les différentes formes d'adoration et d'obéissance, toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala a incité et encouragé à faire sans le rendre obligatoire et sans yani le rendre impératif. Et c'est différent selon les différentes sortes d'adoration et selon également les différentes récompense de ces différentes adorations aussi. C'est-à-dire qu'il y a des actes surérogatoires qui ont plus de récompenses que d'autres. Et elles sont différentes donc dans leurs récompenses. Et donc faire celles qui sont plus récompensées, c'est plus méritoire. Et ainsi de suite. Il y a des actes surérogatoires qui sont plus confirmés ou comment je pourrais dire muakkad, c'est-à-dire c'est plus confirmé que d'autres ou plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis plus d'incitation, il a insisté sur certaines adorations surérogatoires plus que sur d'autres. Donc il y a ça aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne dans le hadith du Wali, hein, يعني ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. Mon serviteur continue à se rapprocher de moi jusqu'à ce, hein, par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc quand tu vas faire les actes surérogatoires après avoir établi le tawhid d'Allah, après avoir établi la sunna et t'être écarté de la bid'a et d'avoir fait les actes obligatoires et d'être écarté de ce qui est interdit, là tu vas faire les actes surérogatoires Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Allah, il commence à t'aimer maintenant. Na'am. Et ça, c'est important. Tu veux savoir, hein, que tu aimes Allah. Il y a des exemples de ça. Mais si tu veux savoir que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais les actes d'obéissance, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Si vous aimez Allah, dit, si c'est que vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le résultat c'est يُحْبِبْكُمْ اللَّهِ. Allah va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. Et ici dans le hadith, hein, l'exemple que si tu fais les actes surérogatoires, Allah va t'aimer par la suite. Va t'aimer par la suite. Et il dit, وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد استشكل ما تقدم. Ah oui, comme on dit, le hadith, c'est le hadith du wali. Pourquoi ça s'appelle le hadith du wali? Il dit, parce qu'il n'a pas mentionné la première phrase, le sheikh, mais la première phrase du hadith, ça dit, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. C'est-à-dire, celui qui fait du tort, hein, à un de mes rapprochés parmi mes serviteurs, je lui déclare la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre à toute personne qui fait du tort à un de ses serviteurs rapprochés. Et il dit, et mon serviteur, il n'y a rien qu'il fait, il n'y a rien qu'il va faire que j'aime plus que les actes que je lui ai rendus obligatoires. Puis mon serviteur continuera à se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Hein? Et Al-Hafiz, il dit, وَقَدْ اِشْتَشْكَلَ مَا بِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلًا أَنَّ الْفَرَائِضْ أَحَبَّ الْعِبَادَاتِ الْمُتَقَرِّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ فَكَيْفَ تَنْتِجُ الْمَحَبَّةِ أَوْ كَيْفَ لَا تَنْتِجُ الْمَحَبَّةِ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا كَانَتْ حَاوِيَةِ لِلْفَرَائِضِ مشتملة عليها مكملة لها أن ما كانت حاوية للفرائض ومشتملة عليها ومكملة لها ويؤيده أن رواية أبي أمامة ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك ويعني وقال الفكهاني معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله. قلت ويفهم منه أن العبد إذا قصر في الفرائض وأكثر من النوافل لا تكون هذه الطريق الموصلة له إلى محبة الله فلا يتم التقرب بالنوافل حتى يتقرب أولا بالفرائض وهذه سبيل التزكية عند أهل السنة والجماعة. نعم. Donc l'explication ici c'est que le fait de faire les actes surérogatoires ça t'amène l'amour d'Allah, ok, mais si les actes obligatoires sont les actes les plus aimés d'Allah, pourquoi les actes obligatoires ne ramènent pas l'amour d'Allah aussi? En fait, les actes surérogatoires sont des compléments qui viennent parfaire les actes obligatoires. Ok? Et pour chaque adoration, il y a sa version surérogatoire. Chaque obligation d'adoration a sa version surérogatoire. Donc si qu'est-ce que tu as fait dans ton acte obligatoire ne respecte pas entièrement la perfection dans laquelle tu dois la faire, mais tu peux le corriger ou l'améliorer ou le parfaire en faisant sa version surérogatoire. D'accord? Il dit wa qala ash-Shawkani inna al-'abd lamma kana mu'taqidan li wujub al-fara'id 'alayhi wa annahu yani amrun hatm yu'aqabu 'ala tarkiha kana dhalika bi mujarradihi hamilan lahu 'ala al-muhafazati 'alayha wal-qiyam biha. فهو يأتي بها بالإيجاب الشرعي والعزيمة الدينية أما النوافل فهو يعلم أنه لا عقاب في تركها فإذا فعلها كان ذلك لمجرد التقرب إلى الله لمجرد التقرب إلى الرب خاليا عن حتم عاطلا عن الحزم فيعني جوزي على ذلك بمحبة الله له وإن كان أجر الفرائض أكثر فلا ينافي أن تكون المجازاة بما كان الحامل عليه هو محبة التقرب إلى الله أن يحب الله يعني فاعله لأنه فعل ما لم يوجبه عليه يوجبه الله عليه ولا عزم عليه بأن يفعله. Donc Shawkani il explique que le serviteur quand il fait les actes obligatoires il croit en son obligation. Il croit que cet acte a été rendu obligatoire sur lui et que s'il le fait, il va être récompensé, mais s'il ne le fait pas, il sera puni. Et ça, ça l'amène à préserver et à être constant et à être assidu dans l'application de cette adoration-là. Tandis que il y a des actes qui sont surérogatoires, ne sont pas obligatoires. Si tu ne les fais pas, tu ne vas pas être puni. Si tu les fais, tu vas être récompensé, mais si tu les fais pas, tu seras pas puni. Ça veut dire que la personne qui se rapproche d'Allah par les actes surérogatoires, eh bien, elle le fait, sans penser que, elle a une punition pour ne pas le faire. Mais elle le fait par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, elle est récompensée par l'amour d'Allah. Elle est récompensée par l'amour d'Allah. Et donc, même si les actes obligatoires sont plus grands dans la récompense, mais le fait que l'acte surérogatoire est fait par amour d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui le récompense par son amour également. Et il y a l'exemple des nawafil dans la salat. Il y a des exemples des nawafil dans la salat, comme les rawatib, les prières qu'on doit faire avant ou après chaque prière obligatoire. ومن النوافل المؤكد المؤكدة قيام الليل les prières de la nuit également et en particulier le witr la prière l'unité de prière qu'on fait à la fin de la nuit pour clore les prières de la nuit. ومن النوافل صلاة الضحى il y a aussi les prières de la journée qu'on appelle le duha, qu'on fait le matin avant que le soleil arrive à son zénith dans l'avant-midi. Donc ça c'est des unités de prière qu'on peut faire qui sont surérogatoires qu'on appelle salat duha. Et il y a également parmi les nawafil salat tahiyatul masjid, le salut de la mosquée qu'on fait raka'atayn en rentrant à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Lorsque l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, il ne s'assoit pas avant d'avoir fait raka'atayn. Il y a aussi parmi les nawafil des salawat, as-salat ba'da al-wudu, les nawafil qu'on peut faire après avoir fait le wudu. والصلاة بين الأذان والإقامة entre l'adhan et l'iqama tu peux faire rak'atayn aussi les nawafil que tu peux faire à n'importe quel moment de la journée ça, sauf bien entendu les moments détestables c'est-à-dire avant le maghreb et après le lever du soleil ça c'est des moments où la prière n'est pas encouragée ou n'est pas détestable. Et il y a les nawafil dans le jeûne. Les nawafil aussi dans le jeûne. Il y a les nawafil dans la prière, il y a les nawafil dans le jeûne. Donc on voit que l'obligation, il y a l'obligation dans la salat et il y a les nawafil dans la salat. Maintenant il y a les obligations dans le ramadan, le jeûne du ramadan, et il y a les nawafil dans le jeûne également. Parmi les exemples de nawafil dans le jeûne, le jeûne du mois de Muharram que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait jeûner. Rawa muslimun wa ahl as-sunan anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam su'ila an ayy as-siyam ba'da shahr ramadan afdal qala شهرullah المحرم. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel était le meilleur jeûne après le mois du Ramadan. Il a dit le mois de Muharram, le mois d'Allah al-Muharram. C'est rapporté par Muslim. De même que le jour du jeûne de Arafah et le jour de Ashura, et c'est un jeûne qui expie l'année précédente et l'année suivante. Hein? Tandis que le jeûne du mois de Ashura, ça expie l'année passée. Et ça, c'est rapporté également par Muslim et Abu Daoud. Et il y a aussi les 6 jours de Shawwal. Les 6 jours de Shawwal après Ramadan sont des jours de jeûne surérogatoires. عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. Celui qui jeûne le Ramadan puis qu'il le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps. Et il y a le jeûne de Sha'ban. Il dit أخرج أحمد وأهل السنن من حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان ويصل به رمضان. نعم. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne jeûnait pas un mois au complet excepté le mois de Sha'ban. Il le poursuivait jusqu'au Ramadan. نعم. ويكثر والمعنى يكثر من الصيام من شعبان لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان. Donc ça veut dire qu'il jeûne beaucoup dans le mois de Sha'ban, parce qu'on n'a pas rapporté authentiquement que le prophète صلى الله عليه وسلم avait jeûné un mois au complet excepté رمضان. ومنه مطلق التنفل. Il y a le jeûne, vous savez, le jeûne du jeudi et le jeûne du lundi, et ainsi de suite. Et il y a le hajj et il y a la umrah, qui sont des obligations une fois dans la vie. Et il y a les nawafil du hajj et de la umrah, que tu peux faire plusieurs fois. Et il y a aussi les nawafil de la sadaqa. Il y a la zakat qui est obligatoire, puis il y a les sadaqat que tu peux donner n'importe quand, n'importe où, sans limite. La zakat, tu dois donner une fois par année. Quand tu as un montant qui a atteint le nisab, qui est 85 grammes d'or, donc une fois que ton argent a atteint ce montant, à partir de ce montant, tu dois donner. Lorsque tu as retenu cet argent pour une durée de une année, et que tu as eu cet argent pour une année, et qu'elle a atteint le nisab, tu dois donner sur cet argent 2,5. Et ça, c'est pas de tout ton argent, c'est de l'argent que tu as en surplus d'économie. Ça veut dire, par exemple, tu dois soustraire de cet argent l'argent dont tu as besoin pour payer ton loyer, pour payer ta nourriture, pour payer tes vêtements, pour nourrir ta famille, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui reste de surplus et que ça dépasse le nisab? Dans ce cas-là, sur cet argent, tu vas payer la zakat 2,5% pour la, si ça fait une année que tu l'as gardé, cet argent. Donc, ça, c'est les conditions pour la zakat. Mais pour la sadaqa, il n'y a pas ces conditions-là. Sadaqa, tu peux donner n'importe quand, tu peux donner n'importe quel montant, petit ou grand, et tu peux donner à n'importe qui. Zakat, tu ne peux pas donner à n'importe qui. Zakat, tu es obligé de donner à une des 8 catégories qu'on a mentionnées dans le verset tout à l'heure, dans Surat At-Tawbah. Tandis que la sadaqa, non, tu peux donner à n'importe quoi, à n'importe qui, à la mosquée, construire des écoles, construire des... n'importe quoi, tu peux. Tandis que la zakat, non, tu ne peux pas donner pour n'importe quoi. Il faut que ce soit spécifiquement pour les pauvres et les indigents, et ceux mentionnés. Donc ça, c'est la différence entre le nawafil et le fard. Et il y a aussi nawafil al-adhkar, les nawafil des rappels, que tu peux faire des rappels surérogatoires en dehors des qu'est-ce qui est obligatoire. Hein? Et également, les du'as. Il y a beaucoup d'autres moyens par lesquels tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par qu'est-ce qui est légiféré. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et au prochain cours on va expliquer, on va parler de la méthodologie de la purification chez les soufis et comment ils ont dévié et comment ils ont opposé la sunna, et on va parler aussi de la différence de la purification de l'âme chez les gens de la sunna par opposition aux soufis, et on va clarifier c'est quoi leur objectif. Quand eux, ils purifient leur âme, c'est pourquoi leur but et leur objectif, c'est d'atteindre quoi? Et c'est quoi le but et l'objectif de la purification de l'âme chez les gens de la sunna? Vous allez voir que c'est tout à fait différent, et que yani, ces gens-là, ils ont une compréhension totalement fausse et déviée de la religion de l'islam. Et ça, vous allez le comprendre. Yani, en écoutant le prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.